Ok, ok, c'est Christo. Représente Bordeaux, yeah. Ok, ok. Ok, j'ai pas de temps à perdre, je dois vous expliquer ce qui s'est passé pendant ces premières et dernières années. Depuis que je suis né, ma vie n'a pas été toujours facile. J'essaye de remonter mes souvenirs pour vous dire tout ce qui m'a fait souffrir. Dans ma vie, j'ai été tapé par mon père. Il y a des moments où j'ai été insulté par des gens qui me détestaient et que je n'oublierai jamais. Il y a eu des fois où je me mettais à cogner sans réfléchir parce que j'étais énervé ou parce que ces gens me saoulaient. La vie est belle sur la comprise, par la suite se bat un monde dans le mépris. Faut pas se mentir, dans le cœur trop de vices, de pousser à être amoureux tout en kiffant ses délices. Je me souviens aussi des foyers où j'ai été placé, là aussi c'était difficile. Mais un jour je suis arrivé dans un lieu de vie où j'ai été accueilli généreusement et je me sentais bien pour vivre. Il y avait l'envie de me donner le plus de soins possible et cela m'a aidé à grandir, je leur dois beaucoup. La vie paix sera comprise, par la suite c'est pas un monde dans le mépris. Faut pas se mentir, dans le cœur trop de vices, de pousser à être amoureux tout en kiffant ses délices. J'aurais voulu avoir une vie paisible, mais la mienne en a prévu autrement. Quand je pense à la vie, ça me permet de réussir, de prendre du plaisir et avoir les choses correctement. Moi c'est Christo et je suis un battant, je viens de loin pour représenter Bacalan. Dans ma vie j'ai pas eu toujours le choix, j'ai dû donner pour après recevoir. Dans ma vie j'ai toujours dû pardonner tout le mal que j'avais fait. C'était comme si j'étais poignardé par un couteau juste bien aiguisé. Moi ce que je veux vous dire en réalité, c'est que cette chanson je veux la dédicacer à ma mère. Car tout le bonheur qu'elle m'a donné restera gravé à tout jamais dans mon cœur. La vie est belle sur la comprise, par la suite se bat un monde dans le mépris. Faut pas se mentir, dans le cœur trop de vice, de pousser à être amoureux tant qu'il fend ses délices. Et ok, c'est Christo, représente Bordeaux. Yeah.